truc qui a le compteur allumé. Le truc qui a le compteur allumé. Ouais, je vois ça, tu peux allumer, c'est normal ça. Oui, mais ça fait l'heure, ça. C'est parce qu'on n'a pas réglé l'heure. C'est bizarre son chat, j'ai entendu. Je pensais que c'était arrêté, qui fait. Bah non, j'ai vu couper le son. Ça fait une sorte de... Je sais pas, une sorte de... métal. Du métal, je sais pas, qui crève par terre. Je sais pas ce que c'est. Oh. Mais comme si ça parlait. J'ai eu. Oui, voilà. Un truc comme ça. Tu jures ? Je te jure. Bang Almasti Abanaouyou. Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный! Да, блядь, сука! Tu sais que tu dis quoi? Vas-y, parle-moi! Parle-moi! Ты чё, хуёво тебе сказали, что ли? Отыч мой курас на твоей марка уста! Сука! Ебан! Блядь! Дурак! Дурак! Да блядь, сука! Сука! Окей, c'est bon maintenant, t'as vu, on te connaît! Русский? Русский? Ты куда? I love you. Окей, okay, I love you too, man. Russian retard. Russian retard. Айка Кинг из Руссия. Ой, American, блять. You are speaking my language? Are you talking English? I love you English. Из Зига. Shut the fuck up. Understand, блять, или нихуя? You are looking me? Yes. Yes, of course. I fucking you in anal. Okay, if you wanna fuck me, you come here. I'm your man, no problem. Just come. Well played, fucking trash. Well played. What? Пошел нахуй! Fuck you! Okay, you wanna fuck me? No problem. I'm with you. Hey man, I got that for you. I got that for you. No problem. We're waiting for you. We're gonna kill you. Fucking mom. Fucking mom. Come on, come on, come here. I fuck your fucking bitch. Fucking bitch. Your mom fucking bitch. You son of a bitch. You're gonna have that. Ай, блядь, ты смешил, сука. Get the fuck out, I don't like you. You are fucking retard. Get the fuck out. And tell your mother that I am come tomorrow again. Fucking dumb asshole. Если тебе понравилось это видео, ты можешь найти еще больше на нашем канале. Поддержи видео лайком и обязательно расскажи о нем друзьям. А еще для того, чтобы ничего не пропустить, обязательно подпишись на наш канал. Тебя ждет много интересного.